Le lendemain, Pierre continue à se demander si Maréchal est le père de Jean. Il ne sait que penser et alterne les doutes et les certitudes. En rentrant chez lui, il apprend que sa mère a loué pour Jean l'appartement qu'il avait repéré pour en faire son cabinet de médecin. Cela le met en colère. Il sort faire une promenade en barque et continue à réfléchir. Il cherche à obtenir des preuves dans ses souvenirs. Finalement, indécis, il rêve de quitter la France sur un des bateaux qu'il voit dans le port, mais se résigne à rester sans argent pour s'offrir le voyage.